Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr. Les Infinite Wars 2016 battent leur plein depuis 3 semaines maintenant. Deadpool, le 10e Docteur et le petit écureuil Chip se sont qualifiés déjà pour la finale. Qui va les rejoindre cette semaine? Je suis Mathieu et le round 4 des Infinite Wars 2016, c'est maintenant. Et cette semaine, avec moi pour ce quatrième round, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Et Léo. Léo. Qui a dit qui salut. Il est revenu. Irish a donc abandonné les Infinite Wars. Il s'est rendu compte que son équipe était incapable. Puisque les deux personnages qu'il avait en jeu pour cette semaine étaient Felicity Smoke et Ned Flanders. Voilà. Voilà. On comprend en 4 points chacun, tu sais. On comprend que n'importe quel coach aurait abandonné avec une équipe pareille. En jeu ce soir, une place pour la finale, évidemment. Mais qui va se battre? Arnaud avec deux personnages, Peggy Carter et le Martian Manhunter. Peggy Carter démarre à la partie avec 9 points et le Martian avec 18 points. Léo, quant à lui, aura un personnage. Il s'agit d'Emma Frost, qui démarre elle aussi avec 18 points. Je défendrai, quant à moi, Gertrude, de la série comics I Hate Fairyland, qui sort en son branché Image, et elle a 15 points, la petite Gertrude. Et quant à Clément, il a un personnage qui lui va bien, puisqu'il s'agit du moustachu, enfin barbu même, je crois. Non, moustachu, barbu. Les deux. Je sais plus. Les deux. Enfin, en tout cas, c'est Chuck Norris. Chuck Norris qui démarre la partie avec 10 points, parce que oui, Chuck Norris est bien un personnage de comics. Et Mogo aussi. Et Clément a Mogo aussi. Mais oui, la fameuse, rappelez-vous, continuité Comic Stories, la fameuse planète qui se fait brouter par la Batco. Allez, on va démarrer. Je rappelle, chaque tour de jeu se fait au dé. On attaque ou on soigne un personnage et à chaque lancée de dé correspond également un événement qui va impacter de manière plus ou moins forte la partie. Il y a deux semaines, tout avait été annulé par un reboot. La semaine dernière, c'est le petit enculé, l'écureuil, qui a eu le droit à une espèce de résurrection. Et ben, du coup, voilà, il s'est qualifié pour la finale. Donc voilà, les événements ne sont vraiment pas à négliger. On va peut-être en avoir la preuve dès le premier tour avec Peggy Carter. Allez, vas-y Peggy, c'est la dernière fois que tu peux exister. C'est ton dernier tour de piste, ma grosse. C'est ça. Vas-y. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle va attaquer... Bah quand même, elle est forte, alors elle va affronter Chuck Norris. Ah, et bien elle fait 4 points, Chuck Norris. Et bah voilà. Ah, la petite Peggy. Événement 31. Je laisse quelqu'un lire les événements parce que j'ai trop de mal avec la liste. Un point de moins. Wilson Fisk. Lors de la prochaine attaque contre toi, choisis un personnage qui prendra ta place. Oh. Oh putain. Donc déjà, Peggy commence avec un bel avantage. Essaye de t'en rappeler, par contre, parce que moi, ouais. Vous savez que je ne me rappelle jamais de ces trucs-là. Clément, Mogo. Ouais, je vais attaquer... Mogo, qui de toute façon devrait avoir le même destin dans les comics, hein, c'est-à-dire une destruction violente. Je vais attaquer Emma Frost. Emma Frost. Il est un peu fou, ouais. Moins 2. Sur l'événement 53. Celui qui est donc après le 52. Les personnages Marvel gagnent 2 points. Personnages Marvel gagnent 2 points, c'est-à-dire Peggy Carter, c'est-à-dire pas Mogo, c'est-à-dire que Emma Frost récupère ces 2 points. T'aurais pas dû, Clément. Non. Alors par contre, j'ai un gros problème, c'est que Chuck Norris, je sais pas s'il est pas dans l'univers Marvel. Non. Alors, je vais quand même vérifier par une petite recherche rapide. Je prends une couverture. Et oui, c'est Marvel, les comics Chuck Norris. Sérieux ? Donc, Chuck Norris récupère 2 points aussi. Oui. Ah oui, Chuck Norris, attends, il méritait au moins un univers comme celui de Marvel. Emma Frost, est-ce que tu vas rendre à Mogo la monnaie de sa pièce ? Ouais, j'attaque Mogo. Alors, c'est parti. Il attaque. Et Emma Frost, quand elle attaque, elle ne fait pas semblant, peut-être ? Et oui, pam, 5 ! Aïe ! Pardon. Bim. Ah là là là là. Ah bah on a dit que Mogo ça allait être une destruction violente. Hein. numéro 73 pour l'événement. 73. Les Future Past, les 3 dernières actions sont reproduites à l'identique. Oh. Alors juste les 3 dernières actions, c'était les 2 points pour les personnages Marvel, Les moins 2 pour Emma Frost et les moins 5 pour Mogo. Voilà les trois dernières actions qui ont eu lieu. Donc, moins 2 pour Emma Frost, plus 2. 2 points pour Chuck Norris. Et donc, Mogo vient de perdre 10 points sur ses 11 d'un coup. Oh, et c'est en toute logique que Gertrude, la petite gourgandine, va venir avec sa hache et achever tout ça. Un point. Eh ben dis donc, c'était juste. Non. Merde. J'allais dire, il y a qu'un zéro qui peut sauver Mogo. Eh ben Mogo, voilà, c'était sûr. Hein, voilà. Et l'événement. Ah, j'aime pas du tout ce chiffre. J'ai très peur. 98. Non, c'est le 99 le pire. Ça aurait été drôle. 98 alors. Ah, 9 side. Ah, 9 side, d'accord. T'as échappé. Allez, Marshan, c'est à toi. Marshan. Bah, il va attaquer comment? Chuck Norris. Mais non. Oh, on a identifié la victime de l'émission. Il digère pas le dernier round. Oh, moins 5. Moins 5. Oh là là là là là là là là là là. Événement 93, on est dans les gros chiffres. 93. Excelsior, Marvel intouchable par les trois prochains joueurs. Donc Marvel, c'est-à-dire Chuck Norris, Emma Frost et Peggy Carter. Donc Chuck Norris, c'est à toi. Donc ça veut dire que je peux attaquer soit Martian, soit... Donc le prochain qui peut attaquer Marvel, c'est Gertrude. Je vais attaquer... Je vais me soigner. Eh bien joué. Et attention. Oh, le soin qui va bien, zéro. Mais non, mais... Événement 90. Oh, écoute, on peut pas se qualifier de chip sur un truc honteux. Upside. Peggy. Donc Peggy, elle peut pas attaquer Marvel. Non. Donc, elle peut attaquer Gertrude ou le Martien. Unprotective. Bah... elle va se soigner. 3. 16 points pour Peggy. Emma, c'est à toi. Toi non plus, tu ne peux pas attaquer l'univers Marvel. Tu es la dernière. Et c'est quoi l'événement? Oui. Oh, excusez-moi, 40. Chichi, les 3 prochains joueurs t'attaquent. Ah, c'est le chichi sur Peggy. Et on peut pas attaquer Marvel. Mais on peut pas attaquer Marvel, donc Emma Frost va lancer le dé dans le vent, évidemment. Sachant qu'Arnaud a encore un. Oui. J'ai pas le choix. Donc tu lances le dé, mais tu sais obligé que. D'attaquer la Peggy. Ouais, tu attaques Peggy, mais comme Marvel est encore protégé un tour, ton attaque n'aura pas lieu. Ça sera une attaque à zéro, du coup. Ouais. Et c'est con parce que c'est une attaque de 6 points. Donc du coup, zéro. Et l'événement, c'est le 15. Je tape super fort en plus. Ouais. Fiste un personnage et arrache-lui un point. Alors, qui tu fistes? Ah, là, je peux fister n'importe qui, du coup. Oui. Je vais fister... Gertrude a 7 ans, donc s'il te plaît. Chuck Norris, il a 5 points. Je vais fister Martian Manhunter. Mais non, Chuck Norris, il a 5 points. Ouais, c'était l'occasion de l'affaiblir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que... Qui est là? Eh oui, c'est Gertrude, mais dommage, c'est le chichi sur Peggy. Chichi sur Peggy, et ben 9 points. Sauf que Peggy, elle a un truc d'avant, ah oui. Et elle peut prendre quelqu'un à sa place. Eh oui, donc qui va prendre les 9 points? Donc Gertrude va tuer qui, du coup? Ah, c'est Gertrude qui tue? Ah, c'est Gertrude qui agit, hein. Ah bon? Ah oui, c'est pas Peggy. Eh ben, elle va taper Emma Frost. Et ben Frost perd donc les 9 points que Peggy aurait dû perdre, rappelle-t'en Léo. Marshall Manhunter, c'est à toi et tu vas donc devoir frapper Peggy puisque c'est toujours le chichi hein, pour un tour. Quoi? C'est toujours le chichi sur Peggy, donc tu dois taper Peggy. Je suis obligé? Ben oui, tu es le troisième, c'est le troisième tour. Putain, la pauvre. Allez, 1. Décidément, l'annulation fait mal. Hein. Moins 1, événement 62. On a pas point d'événement. Hein. D'ailleurs, oui, je vais relancer un événement de Gertrude après, mais on va faire celui-là. Ça fait un point de plus. Un point de plus pour, du coup, le Martian Manhunter. Et du coup, l'événement de Gertrude, 71. 9 save. Et ben voilà, ça valait le coup de le refaire. Chuck Norris, c'est à toi. Je me soigne. Ah oui, hein. Attention, un nouveau soin à 0. Et non, un soin à 1 cette fois. Pardon. Événement 77. Je pense qu'il est dit que Chuck Norris ne survivra pas à cette fois. Iron Fist, un personnage, il aura un point. Alors, qui fistes-tu? Gertrude a 30 points. Un point en moins, ça lui manquera pas. Fister un personnage de 7 ans, c'est quand même un peu... quand le bon goût a lieu ici, quoi. Bah, encore moins chez Clément. Je vais pister Emma Frost. Voilà, Emma Frost. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Un point pour la petite Chuck Norris. Non, le petit Chuck Norris. Tout va bien. Allez, Peggy. Elle va attaquer Chuck Norris. Oui. Bande de putes. Bah, tu connard aussi. Tu c'est toi qui as tapé le U ? Oui. Donc moins 2. Événement 49. 9 Ced. 9 Ced, ok. Emma ? Je vais attaquer Chuck Norris. Eh bien, vas-y, attaque Chuck Norris. Un 5 ou un 6 le tuerait. Oh, et merde, c'est. Quoi. Et c'est. Gros suspense. Et c'est un 3. Eh merde, putain ! Putain, ça va être pour Gertrude encore. Attends, avec un événement, il peut y passer. Ouais. Hein. Rappelez-vous les événements qui enlèvent des points. Hein. Voyons si l'événement 82 nous dit ça. 2 points de moins. Pour Emma Frost, du coup. Hein. Pourquoi pour Emma Frost ? Pourquoi pas pour Chuck Norris ? C'est quoi ? Parce que c'est Emma Frost qui a lancé le dé. Chuck Norris va pas être victime d'un dé qu'il a pas lancé, quand même. Bah si. Allez, c'est parti pour Gertrude qui attaque. Et oui, qui attaque. Et oui, évidemment, Gertrude attaque. Emma Frost. Non, mais non aussi. Et si, moins 5. Ah, le chanceux. Mathieu, qu'est-ce que t'as ce soir ? Événement 33. Perso intouchable pour les deux prochains joueurs. Pour les deux prochains joueurs. Donc on peut pas toucher Gertrude pendant deux joueurs. Donc ni le martien. Non, même pas, est-ce qu'on a envie de toucher Peggy ? Je ne sais pas. Jusqu'à Peggy. Donc le martien, c'est à toi. Bah écoute, t'as deux victimes sur un plateau là. Bah depuis le début, j'attaque Chuck Norris, donc on va continuer sur la lancée. Mais hein. Non ! Allez, vas-y. Attention. 1. Oh là là. Oh putain. Il arrive à survivre, cet enfoiré. Événement numéro... Attention, numéro 1. Non. Non. Non. Non. Reboot. Oh, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est pour ça que je faisais le petit suspense, parce que je l'avais vu et que du coup, j'étais dégoûté. Il était à un point de mourir, Chuck Norris. C'est le reboot. Mogo revient à la vie. Non, mais... Il est à un point de crever, Chuck Norris, et il revient. Et un point, Chuck Norris. Deux points pour Emma Frost. Alors, on était vraiment le carnage. Voilà. Oh, putain, là, donc, du coup, tous les personnages, comme pour le précédent reboot, conservent leur niveau, mais reviennent avec la moitié de leur moitié de points pour tout le monde. Ça veut dire Peggy Carter, qui en avait 9 au départ, revient donc avec 5 points, alors qu'elle en avait 15 hein, juste avant ce reboot. Mogo revient pourquoi donc... Moitié, pourquoi moins 10 bah, parce qu'il faut bien la ramener à la moitié de ce qu'elle avait au départ. Et qui te met la valeur au-dessus plutôt qu'en dessous. Ouais. Bah oui, si tu veux que je te mette que 4, je crois. Léo avait 18 points avec Emma Frost, elle reprend donc 9 points. T'as oublié Mogo. Non, Mogo, je lui ai mis ses 6 points sur 11, c'est normal. Gertrude. Bah, Gertrude, elle est de niveau 2, donc au lieu de 30, elle est à 15. Marshall Manhunter, il est à 9, donc il perd moins 9, du coup, par rapport à... Non, pas 9. Et Chuck Norris, qui était à 10 points, donc... Il est à 5. Là, et regagne donc, grappille quelques petits points. Voilà. Quel est le bâtard qui a fait ce reboot ? Clément. Mais non, c'est pas moi. Qui est-ce qui a lancé ce dé, maudit, là ? C'est pas Arnaud ? Alors, c'est non. C'est pas le martien ? Et non. Si, tu voulais frapper Chuck Norris ? Tu viens de frapper Chuck Norris. C'est le martien qui a fait ça. Oui, c'est donc le martien qui aura les foudres pour ma part. Allez, Chuck. Je vais attaquer Peggy. C'est pas une mauvaise idée. Si Chuck Norris nous fait une chip, là, je te dis que c'est délicat. Moi aussi, hein. Stop, là. Stop les blagues. Je pleure. Tu peux lancer ton dé, Martien ? Oui, je l'ai lancé. Non, c'est Chuck. C'est à moi, là. Oui, Chuck. Oui. Ah, c'est toi, le carré rouge ? Ouais. Ah oui, d'accord. Eh ben, écoute, moins 3 pour Peggy. Et l'événement ? Et 22. Boucle temporelle. Même joueur joue encore. Ah. Non. Bah, je vais attaquer Peggy. Attention. Alors, on sait que Chuck Norris faiblit au moment opportun. Va-t-il nous faire 6, va-t-il nous faire 0, ou 1, ou 2 ou... Attention. Allez, faut appuyer sur entrée. Il est en train de nous faire dans ton cul. Et bah, dans ton cul à toi, parce que c'est 1. Non. Et l'événement 28. 9-7. Putain. Okay. Allez, Peggy, c'est l'occasion ou jamais de te soigner, je crois. C'est ça, exactement. Et attention. Et 5. C'est n'importe quoi, ce petite jeu. Petite traînée. 48 pour l'événement. Un point de plus. Oh, la salope. Allez, Mogo, tu peux... Je vais attaquer... Attaquer Chuck, le tuer d'un coup et passer au niveau 2. Je vais attaquer Peggy. Mais tu fais chier, putain ! Vas-y, attaque Peggy. Ouh ! Moins 6. Grognasse. Et l'événement, eh ben c'est l'événement 28 encore. Il vient souvent l'événement 28, je sais pas ce que c'est, je me rappelle jamais. 9 Ced. 9 Ced. Putain, vas-y. Emma Frost ? Bah. Elle peut me soigner, Emma Frost. Hein. Elle a déjà été annulée, Peggy, alors autant abréger ses souffrances. Mais non, elle n'est pas morte, Peggy. Si, elle est déjà morte Non, mais là... Annulée, là, assez. Ah, d'accord. Allez, vas-y. J'attaque Peggy. Eh ben, c'est parti. 0. 2. Et Peggy est donc... Tiens donc de nous quitter. Elle est morte déjà deux fois au ciné à la télé. Elle est morte au cinéma. Elle est morte. Voilà. Et donc du coup, elle meurt. L'événement, c'est quoi ? Dans les Infinity Wars. Alors attends, parce que du coup, je dois remettre les choses à jour d'abord, parce qu'en plus avec ces histoires de reboot, que tous les personnages ont la moitié des points, c'est chiant pour les niveaux. C'est qui vient de la tuer ? C'est Emma Frost, qui avait donc 9 points, qui passe au niveau 2 maintenant et qui passe donc à un niveau 2 à 18 points. Voilà. Bah, ça va mieux. Ensuite, on va faire l'événement qui est le 26. Les personnages d'ici gagnent 2 points. Mogo gagne 2 points. Comment ça, Mogo ? Et le Marshall Manhunter gagne 2 points. Voilà. C'est à Gertrude de jouer ? Ouais. Alors, on va se mettre d'accord. On va pas se refaire une deuxième chip. Donc Gertrude, niveau 2, tranquillement. Elle a une chance sur 2. Elle va taper Chuck. Je vous ai traumatisé. Et là, tout le monde croise les doigts. 8 ! Non, putain. Non, mais Gertrude, mais non. Mais Gertrude, enfin, voilà, pour la connaître dans les comics, ça lui va bien de faire ce genre de carnage. Ouais. Alors, moins 8, on efface Chuck Norris de la continuité. Finalement, est-ce que c'est un mal ? Non. Je ne trouve pas. Alors, niveau 3 pour Gertrude. Gertrude avait 15 points, donc la moitié, c'est plus arrondi, ça fait 8. Niveau 3, 3 x 8, 24. Voici donc pour Gertrude. Et l'événement ? L'événement 16. King of Gotham. Forcez le prochain perso à attaquer qui vous voulez. Putain. Martian Manhunter, tu vas attaquer Emma Frost, s'il te plaît. Non. Mais non. Mais connard. Je voulais Mogo, putain, je voulais passer un niveau. Oui, mais t'es au niveau 1, tu peux pas la tuer en un coup. Alors qu'Emma Frost, il faut l'affaiblir, elle est niveau 2. Eh bien, c'est une attaque qui valait le coup. 2. Alors c'est là qu'il faut être stratégique du coup. C'est à qui là ? C'est à Gertrude justement. Bah non. Vas-y, attaque-moi. Donc est-ce que Gertrude se débarrasse du Marshall Manhunter et du coup va soigner Emma Frost avec un D4, c'est-à-dire jusqu'à 20 points au prochain tour ? Je suis pas sûr. Sachant qu'il faudra que je soigne Mogo, quoi qu'il arrive, à la prochaine attaque aussi. La prochaine attaque sur Mogo va être un soin. S'il faut quand même tuer Gertrude. Il faut quand même tuer Marshall Manhunter. Il n'y a pas le choix. Mais des niveaux 4, des niveaux 4 après. C'est pas grave, après j'attaquerai plus fort. J'ai pas le choix. Si, tu peux soigner Mogo et ça lui fait pas beaucoup de points. Allez, avec la chance qu'il a. 8. Hop, le martien est tué. Je suis le dernier rempart de la démocratie contre les deux autres. Tu parles d'une démocratie ? Numéro, ouf, 95 ? Oh putain. Ah. Un point de moins. Ah, voilà, un point de moins pour Gertrude. C'est un Mogo. Donc là, quoi qu'il arrive, il va falloir que je vous soigne, quoi. Gertrude. Moi, je vais quand même affaiblir Gertrude. Vas-y. Moins 3. Ok. Et l'événement ? 22. Je suis en pleine réflexion, là, sur Gertrude. Boucle temporelle, même joueur joue encore. Vas-y. Toujours Gertrude ou Emma Frost ? Emma Frost. Bien, puisque du coup, ça sera un soin, et donc du coup, c'était le plus intelligent à faire. De quoi ? Ben non, c'est toi qui me soignera, quoi qu'il arrive, Mathieu. Ah, c'est moi ? Ah, oui, c'est le prochain. Ah non, c'est Mogo qui est le prochain. D'accord. Non, oui, d'accord. Excuse-moi. Non, mais bon, je confonds avec les deux. Après, ça se dit. Ça y est, t'as lancé ? Oui. Ah, bah, c'est 0. Événement ? Événement 55. Un point de moins. Gertrude se soigne. 9. C'est chaud. Oh là là, événement 97. Oh putain. 9 save. T'as eu chaud. En fait, c'est 9 save sur les 90. La prochaine fois que j'attaque Emma Frost, je suis obligé de la soigner. Exactement. Donc ce que je vais faire, je vais soigner Mogo. Et c'est Mogo qui va tuer Emma Frost pour moi. Elle ne le pourra pas. Bah si, en échange de soins, il va bien, t'inquiète pas, tout faire pour arriver dans le duel final. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Donc, Mongo, un dé de soin de niveau 4, ça correspond à quoi? Ça correspond à 15 points, mon bonhomme. Oh putain. Événement 92. Science, Village, t'as réparti coûte 2 points au perso de ton choix. Oh, Emma. C'est n'importe quoi. Je retiens la fois. Et c'est quoi ce Mogo avec... Putain, mes yeux. Mogo à toi. Bah, je vais attaquer Emma Frost. Oui, évidemment. Non, pas évidemment. Cette connard. Espèce de cabale. Un, bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Le problème, c'est que si tu demandes. Avec... Et l'événement ? 5. 5 J'ai remarqué Mogo qu'il peut pas. Perso à touche là par les trois prochains joueurs. Donc, du coup, un tour blanc, on peut pas attaquer Mogo. Donc, la seule qui peut être attaquée, c'est Gertrude ou Emma Frost pour les trois prochains personnages. Emma, c'est à toi d'attaquer. Bah, je vais me soigner plutôt, tiens, va. Eh bah, vas-y. Je suis niveau 2. Ça peut servir, attention. 7. Yes. Bon, bah alors là, c'est 31 pour Mogo, 33 pour Emma Frost et 54 pour Gertrude qui maintenant peut se faire plaisir sur Emma Frost. Oui, non, elle peut se faire plaisir sur Gertrude. Mais... Et Mogo aussi, du coup, peut se faire plaisir sur Emma Frost. Alors allons-y. Je vais attaquer Emma Frost. Mais connard, attaque un peu Gertrude aussi. C'est vraiment la pire des putes, en fait. Hein. Moins 5. En plus, cette connasse de Mogo, elle tape fort à chaque fois. Moins 5. Oh là là là là, événement 98. Oh non. Non, c'est une upside. Putain, j'ai eu peur. C'est 99, le pire. Emma Frost, c'est à toi. Putain, mais c'est pas vrai. Tiens, je vais te faire payer. Va. Bouffe ça, Mogo. Mogo, attention. Bouffe ça, Mogo, ça veut dire, attention, ouh, 10 points. Aïe. C'était le maximum que tu pouvais faire. Bah écoute, avec un dé de niveau 2 et un événement 70, un chiffre rond, c'est pas bon. C'est quoi 70? Paris Comics Expo, tu gagnes 2 points. Ah ouais, c'est récompensé. Et bah du coup, maintenant que Gertrude peut se faire plaisir, elle va taper sur, évidemment, Emma Frost. Mais non, mais tape un peu Mogo, merde. Bah c'est toi qui peux me faire le plus de mal, donc écoute, moins 1. C'est très long. C'est parti pour un événement 72. Tiens Arnaud, du coup, comme tu es mort, tu peux nous dire les événements. J'ai que ça à faire. Un point de moins. Oh, un point de moins pour Gertrude, du coup. Parce que l'événement peut te faire peut-être jouer, c'est le 84. 84, les personnages d'ici perdent 2 points. Nique ça, merde. Oh, mais vas-y, mais je le limite au faire Mogo, là, putain. Ouais, j'ai l'impression. Donc je vais attaquer Mogo, évidemment, j'ai que ça à faire. Hein. Attends, parce que on n'en est pas là. Putain, 4. Oh, yes. Événement, je te l'avais dit. Événement 84. 84... Non mais Nick, non mais genre... Personnage d'ici perd 2 points. Oui. Non. Non. Mogo est morte des mains de Gertrude, enfin de la hache de Gertrude plutôt. C'est un scandale, je vais porter recours contre la Cour européenne des droits de l'homme. Là. Il y a pas moyen, t'es le pire. Ouais mais c'est pas un homme, c'est une planète. Hein. Du coup, Gertrude passe de niveau 5, et donc 5 x 8, 40, elle perd 12 points dans l'affaire. Écoute, bien fait pour ta gueule, j'ai envie de dire. Mais du coup, elle est en dessous de toi, parce que t'en as 44. C'est un duel entre Emma Frost et Gertrude qui se présente. Sachant qu'il n'y a pas de niveau 2D, de niveau 5 prévu, je continuerai à lancer le niveau 4. Bah écoute, je vais continuer à te tabasser, du coup, tu l'auras cherché. De toute façon, là maintenant, c'est une lutte à mort. Ce serait marrant, un petit 1. Eh ben non, c'est un 10. Non, mais je veux dire un reboot. Ah, bah, c'est de reboot. Moins 10, événement 65. 65, boucle temporelle, même joueur joue encore. Eh ben reprends dans ta gueule. 2. Voilà qui devrait me mettre à l'abri pour la fin de la partie. Bon bah j'ai retrouvé le gagne. Je l'avais dit hein. Attends, on n'est pas à l'abri d'une connerie. Je sais pas, j'hésite à me soigner ou à attaquer. On sait jamais, sur un petit coup de bol. Sur un coup de bol, tu peux rejouer. Un double 10. Allez, tant pis, je tente le barreau d'honneur. À l'attaque. À l'attaque. Eh bien, tu as bien fait, moins 7. C'est quand même tendu cette fin de partie, hein. On dirait pas qu'il y a autant d'écart entre les niveaux. Événement 21, excusez-moi. Un point de plus. Un point de plus. Putain, c'est peut-être le point qui va te sauver, ça. Peut-être bien le point. Le point fist. C'est pour ça que Gertrude se soigne une dernière fois par précaution de 12. Et l'événement est le 5. Personnage intouchable par les 3 prochains joueurs. Ça y est, ça sent la fin. Ça y est, on en voit le bout. Après une heure de plus d'une heure de jeu. Emma. Je peux pas te taper là, de toute façon. Non, deuxième soin pour toi. Bah, soin. 10. Ouais, il faut bien, c'est la rémission là, tu vois. 14. 14, exterminate, lance un dé 6 et frappe 3 personnages. Oh putain, donc tu vas frapper 3 fois Gertrude avec le même dé. Allez, c'est parti, 3 fois 1 dé 6. C'est la force Wuvian là qui m'aide. Alors, on commence par 1, on commence soft. Super. 4. Attends. Tu l'avais lancé une deuxième fois ou pas? Non, je l'ai lancé qu'une fois. Alors vas-y, parce que c'est moi qui ai dû le modifier. Vas-y. Ah, 5. Et encore une fois. 4. Elle me tendu du cul. C'est parti pour une attaque sur Emma. 4, je vais jamais m'en sortir. Événement 20. 9, 7. Allez, Emma. 12, 17, là. Là, je peux t'attaquer? Oui. Attaque! 7. Oh putain. Ouh, plus que 10 points pour Gertrude. Allez, vas-y, on l'achève. Événement 21. 21, un point de plus. Gertrude, évidemment, se soigne. Non, mais merde, ah, laisse-toi tuer un peu. 11. Mais non, mais laisse-toi tuer, merde. Événement 60. Pourquoi t'as remonté à 21? Bah parce que j'étais à 10 et que je viens de marquer 11 points de soins. Ouais. Ah, d'accord. Alias Investigation, tu as découvert 2 points au fond de ta bouteille de scotch. Merci, Jessica. 23 à 13, c'est parti pour Emma Frost. Bon, allez, que quelqu'un crève, là, peu importe. C'est une horreur, c'est une horreur. J'attaque quand même. J'ai envie de m'ouvrir les veines. 8. Bah tiens, prends. Événement 58. 58, 9 cèdes. Allez, une attaque, oh, sur, cède. Une attaque sur Emma, là, ça peut peut-être payer. Là. 12. On en est 24. Ah putain. Emma a donc un point. Événement 68, c'est peut-être lui qui va te l'enlever. 68, boucle temporelle, même joueur joue encore. Oui. Après une heure et quart au moins de jeu, attention. Et là, il fait 0. Ah putain, vos gueules, 0. Et ah bah non, pas l'événement. Événement 68. 68, boucle temporelle, même joueur joue encore. Je la refais. Oui. Mathieu, t'as vraiment plus bordé de bruit là. Ah, attends, il y a un blocage sur la case du dé chez moi. Ça y est, 7. Ah, eh ben ça y est, c'est voilà. Fini. Enfin. C'était quoi l'event? Ah bah oui, on va quand même le faire, on sait jamais. 21. 21, un point de plus. Voilà, comme ça, la victoire de Gertrude est totale. Gertrude passe donc au niveau 6. Elle a fait elle aussi un massacre. Donc Gertrude se qualifie pour la finale avec un niveau de 6, 6 x 15, 90. Oui, mon état. Tu reprends le point du début, pas du reboot. Oui. Eh ben, quel round épique. Putain, dire que en plus, avec un peu plus de bol, j'aurais... Ah, ça, c'est pas joué à grand-chose. J'ai eu un peu peur pour Gertrude à un moment, quand même. Allez, on va s'arrêter. On va pas faire plus d'analyse ou quoi que ce soit. On se retrouve la prochaine fois pour le round 5 des Infinite Wars. Qui va être dans le round 5? Attention, vous allez retrouver Firestorm, Scrooge McDuck, l'oncle Picsou, Power Girl, Twilight Sparkle, Harley Quinn, Jean Grey et Dick Grayson. À la prochaine fois. Salut. Salut. Salut.